Question 28. Je suis bien placé pour m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationné. Oui, réponse C. Non, réponse D.